5, activation orale, prononciation, E et E. Écoutez et répétez. Ce n'est pas du jeu. Ils sont deux. Les yeux. Il pleut. Il est vieux. À tout à l'heure. Ils sont seuls. En spectateur. Ils pleurent. Elle est veuve.